Menchman ne font rien à parcourir après le sac. Gala sous le matelas pour protéger les plaques. Reggie P, je suis armé comme le pied des drones Craig. J'ai fait des trucs dégueulasses, j'ai fait des trucs qui craignent. Posanté sur ton père, c'est qu'un vieux paillasson. Je prenais mes larges, j'étais très jeune garçon. Je fais que des sourires quand la puce a chauffé. Je suis pas net comme les clients de la HSBC. Est-ce que t'as déjà creusé pour enterrer l'épreuve? Mon ADN est sous terre avec le faiseur de veuve. Le cobra naja naja a strangulé la pieuvre. Au point que ces salopes ont fini pieuse. Cal 12 dans la tente, c'est moi le nouveau shérif. Sur les bases de néo caisson qui sent hachis. Je suis né pauvre dans un HLM d'une ville de riche. Papa, maman, on barra pour nous extraire. Bachis dans le paco, mes frères ont tous sourire. J'encule le cofio de distro chaque année. La perceuse de boulot commence à être rodée. Les ailes sont trouées, un traître nous a quittés. Premier dans le domaine, appelle-nous la Nacha. Je danse le wapengo sur le cadavre, mon tout le passe. Kino dans le caisson, le blanc bec est touché. Il parle à son calibre sous ma calame tourbée. PD comme Omar, je cours après les meurs. Les euros, la drogue, le plastique, la bande à badette. J'étais avec un soulard, une caca sur le boulevard. J'insultais les gargouilles arrachées sous lampadaire. J'ai fait des euros par le trou de la fente. C'est infâme ce qu'on peut faire dans le domaine de la vente. 12 mini nombres en clos, la catin est charmante. 6635 dans son bail les chambres. Elle a caché les sommes dans le faux plafond de la planque. Donc le dirty bastard dans la rue se fait spank. C'est un moineau rouge, la pétasse est dans le ciguine. Elle prend des photos à poil du Yankee Drunk. 2016, tag des failles sur le Dropbox. Blackmail, après ça le porc fait gosse. Ça t'apprendra à tenter de groom des gosses. Sur Chappique, tu vas finir sale fiotte. Métro mal et bucra d'en payer ma BM. Brand new tailoring sur une coupe italienne. Range-moi ton martini et sors-moi la bovo. Reggie Petrucci dans le lobby tout en croquant. Cafa pig un don chicho. Ça va t'allumer autant foglio. J'ai caché la meur près de mon libolo. La mire me chatouille, je trouve ça rigolo. Nous fais pas le tueur, nous fais pas le Nicolo. Dis l'ok dans ta queue, tu finis gigolo. Et après c'est nous devant les criminologues. Pour le cérémonial de chargeur à l'aveugle. 4 nominations, j'ai pas fêté sous veuve. Faut sanctifier la pièce en pétardant au slug. Qu'ils ressentent les waves dans tout leur corps osseux. 11-43, retranché dans la salle de bain à la salime. Retranché dans la salle de bain à la... Son sang sur le mur dit qui vivra verra. Quand je mordais les draps c'était pas par plaisir. J'aurais dû les faire partir sous trompette des anges. Les souvenirs dans ma tête parfois me dérangent. Me font marcher la nuit d'une manière étrange. Le doigt sur la détente, le genou me démange. Beluga dans le belly, cher comme un fort de France. Vomis à la stase pendant que je mets l'essence. Et je me refais un jeu pour la convalescence. J'ai fait des euros par le trou de la fente. C'est infâme ce qu'on peut faire dans le domaine de la vente. 12 mini nombres en clos, la catin est charmante. 6635 dans son bail les chambres. Elle a caché les sommes dans le faux plafond de la planque. Donc le dirty bastard dans la rue se fait spank. C'est un moineau rouge, la pétasse est dans le ciguine. Elle prend des photos à poil du Yankee Drunk. 2016, tag des failles sur le Dropbox. Blackmail, après ça le porc fait gosse. Ça t'apprendra à tenter de groom des gosses. Sur Chappique, tu vas finir sale fiotte.